on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Pour un RMI volé, combien de parachutés, des promesses scellées dans une benne à voter. Première alinéa sur une profession de foi, faire des concessions là où j'ai mon pouvoir d'achat. Ce vieil ami m'a mis la rage dans les pattes et ses fesses qu'on écarte devient condamné à vie, jamais repenti. Les jours où on s'écarte, on se dit 15 et 4, on devra jouer les bandits. Prouesse anticipée, initiée par EADS, c'est l'issollicité qui dope le tiroir caisse. On vient débité par un état de grâce, des vacances évitées à un gosse de la tasse. Trop de crève la dalle, l'ascar en costard, nous on gît trop flemmard pour envoyer la balle. On en rit fièrement, passe un moment à boire et on inhume ces histoires avec une mine d'enterrement. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Quand tu rentres chez Watt, c'est trop tard pour faire quelque chose à manger. Tu te nourris que du pain et de la coca. Dans tes pires cauchemars, t'as jamais imaginé qu'il te faudrait bosser pour un boss qui te fout l'empiller. Toujours fatigué, sans perspective, sans flic. Tu taffes plus que ton chef, mais ton salaire est proche du SMIC. Et c'est que moi qui dis ce qui te fâche, ce qui te saoule. Que les gens sont des lâches, que les autres sucent des boules. Qui font tout pour gagner, qui deviennent des salons, qui trahissent leur bateau. Tu veux quitter ce bateau, viens rejoindre ma clique qui emmerde le système, qui baise les chiens, qui assassine les UN. Moi je rappe, car je rêve d'une vie différente. Et c'est ma contribution contre l'indifférence. C'est ma contribution pour faire bouger les choses. Pour niquer les bourges, mettre les bouches et ça compte. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Les poches sous nos yeux depuis tout petit. La trace sur nos visages des conneries dans lesquelles on se réfugie. Les gabjis du système, les gadjis, leur je t'aime. Sarkozy, Merkel, la haine. Leur capitalisme nous ramène à l'histoire ancienne. Mentalité de colons sous l'ère de l'ADN. Trop saoulés des indigènes. Ils veulent fermer les vannes pendant que le peuple trincane. Chie sur leur frime, style festival de Cannes. Car on rame alors j'arrime. En fait bien moins 1000 euros par one pour faire vivre tout ce que j'ai dans ma tête ivre. Je survis d'amour familial, maternel, de mes livres, avec l'espoir de rejoindre l'autre rive. En ayant vu ma soeur grandir avec le sourire et la motive. Mec qui taxe à mort les clopes et le gasoil. Je m'en tape, je suis né et je mourrai à poil. Rien à foutre car j'ai de l'amour pour les miens. Et qu'on n'est pas des chiens, NUTRIT, fidèle le rebelle sur un beat royal frangin. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. Le paradis est proche, mais il faut avoir les clés, on s'y approche. Si on le veut, il faut lutter pour qu'on y soit. Alors qu'est-ce qu'on attend, on y va. dit la messe, il touche le cul. Amen. Tu veux la crème, le lard et la patate? Quoi? Demande à Zaza et casse pas la bure. Ok. CV Beat Street, macadam. Télé. Pomme au four, pute aux pommes. Cool. Ça court sur la bite comme la caisse claire. La suédoise, les agents doubles. L'argent trouble et les fourbes. Ma. Motherfucker. Il veut le quart d'heure comme à Fallujah. 74 Brooklyn Boys. Okay. Chez nous on dit il a le singe. Mouche de couleur ou mouche d'eau douce. Tripot pas, bras cassés. C'est le son des fourchettes. Chapitre 13, verset 51. Et comme je dis souvent, tu demandes pas un fusil de faire des blessés. Why? White Chopper. Vas-y, pleure. Fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles de vie. Pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur. Fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles d'olivier. T'as signé le CDI Prime et c'était ride. Bouclé au lit comme un invalide. Montanité jusqu'à l'âge du retrait. Chiale un bon coup et bouge-toi de bon gré. Tu kiffes la craie et le joypad. Tu claques les allocs rien que sur l'arcade. Tu prends ta femme pour un vieux rad. Tu lâches le jus sur les papiers au bad. Taille le buisson comme l'a dit Kofino au gars. Prends le guidon vers un chêne, un acacia. Rien n'arrête la cascade. En apesanteur, ton corps sous la saccade. Une pincée de sel ou un méchant piment. Autour d'un carrousel ou d'un continent. Jusqu'au bout de ton nez ou juste à perpète. Tu peux y laisser ton corps et garder juste la tête. Vas-y, pleure, pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur. Fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles. Vas-y, pleure, pleure, pleure, fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles d'olivier. Pour me soulager la gueule, j'lâche des rimes acérées. Des crocs affûtés en guise de récré. Vois le monde comme une maternelle. Endiablé, le rythme loin d'un éternel. Attiré par son arithmétique, un sacré bordel. J'ai la prose archaïque, celle qui baisse, Charles Martel, celle qui harcèle. Le voisinage devient ouf, subit la musique, qui taille la route. Réaction épidermique, pendant qu'on casse la croûte. Mec, ça fait tourner les mythes jusqu'à la dernière goutte. Ça fait fumer le pic, évite la sortie de route. Une vraie bombe atomique, avance et coûte que coûte. Passe une balade lyrique, et sa mère les doutes. Dans un monde onirique, je mets le futur dans la soupe. Société fait pas la soupe, oreille. Tu m'as tiré mon assiette, alors je crache dans la soupe. Vas-y, pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur. Fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles. Vas-y, pleure, pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur. Fais-nous les grandes eaux, 40 jours aérés. Terre à l'horizon, colombes et feuilles d'olivier. Une fois de plus attablé pour se faire chier au réveillon, je fais cuire une pizza en guise de rébellion. Ton charme me trouble et j'en fais des chansons. Même si je sais qu'à Noël je ne te trouverai pas dans mes chansons. Le sapin je le décore, je l'enguirlande comme au terme de nos discords. Et ce sperme dans le biscuit te fait comprendre que tu ne m'inviteras plus à ton anniversaire, né sous le signe du Verseau. Pense mourir sous celui du cancer. Il y a un rat dans le berceau qui bec le crâne de ce nourrisson. Laisse-le finir dans quelques temps, on sortira les sourisseaux. J'aime écrire sans thème à l'automatique. Des vêtements ensanglantés s'entassent dans un lavomatique. Tu viens de descendre Santa Claus dans l'arrière-cour de la boutique. Je l'ai compris quand tu t'es taillé en traîneau en portant ses bottines. Vas-y, pleure. Ça soulage le cœur. Vas-y, pleure, pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur. Vas-y, pleure, pleure, pleure, pleure. Ça soulage le cœur.